il demande un commandement extraordinaire et se venge du refus des grands. S'étant concilié la faveur du peuple, il essaya par le crédit de quelques tribuns de se faire donner le gouvernement de l'Égypte, en vertu d'un plébiscite. Cette demande inopinée d'un gouvernement extraordinaire était fondée sur ce que les habitants d'Alexandrie avaient chassé leur roi, amis et alliés du peuple romain, conduite généralement blâmée à Rome. L'opposition des optimates fit échouer les prétentions de César, qui, pour affaiblir à son tour leur autorité par tous les moyens possibles, releva les trophées de Gaius Marius sur Jugurtha, sur les Cimbres et sur les Teutons, monuments autrefois renversés par Sylla. Et quand on informa contre les Sicaires, il fit ranger parmi ses meurtriers, malgré les exceptions de la loi Cornélie, ceux qui pendant la proscription avaient reçu de l'argent du trésor public pour prix des têtes des citoyens romains.